Lors de son récent périple dans divers pays, y compris l'Allemagne, où se sont tenues la conférence des ministres des Affaires étrangères du groupe des 20 pays et la conférence de Munich sur la sécurité, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Yoon Byung-sae a peroré à tous ses interlocuteurs que le problème nucléaire du Nord est une bombe à retardement, qu'il ne reste qu'un ou deux ans pour le déploiement réel de l'arme nucléaire du Nord et que donc c'est la dernière occasion. Ce faisant, il leur a supplié de redoubler de l'attention et de la pression sur notre République. À ce propos, le porte-parole du Comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie a publié le 23 février une communication qui dit notamment « Calomnier notre dissuasion nucléaire n'est que des balivernes des incapables qui ne connaissent point comment est défendue la paix dans la péninsule coréenne et comment évolue la situation du monde. » Ces pro-américains qui recourent plus obstinément aux forces extérieures, notamment les États-Unis, pour survivre avec leur aide sans égard à l'amélioration des rapports intercoréens et aux intérêts nationaux, sont la honte et la source du malheur de la nation. Les traîtres comme Yoon Byung-sae, épaulés par les forces extérieures, sont en proie à la confrontation fratricide pour conserver tant soit peu leur vie vouée à la ruine avec Park Geun-hye. Mais seule la honte, l'humiliation et la ruine plus désastreuses les attendent. Plus les forces hostiles se livrent à la pression, plus nous manifesterons la capacité de nous renforcer nous-mêmes pour devenir la meilleure puissance. Les menées désespérées des autorités sud-coréennes qui survivent à l'aide des forces extérieures ne tarderont pas à les conduire à l'échec misérable.